8, 10, observation, de la, de l, du, des. Féminin singulier. 1. L'oncle Guillaume a de la fortune. La fortune, c'était-il ? Masculin ou féminin singulier. 3. L'oncle Guillaume a de l'argent. L'argent, c'était-il ? Masculin singulier. 5. L'oncle Guillaume a du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Masculin pluriel. 7. L'oncle Guillaume a des amis. Les amis, c'était-il ? Féminin pluriel. 9. L'oncle Guillaume a des relations. Les relations, c'était-il ? Notez que dans la phrase 5, nous avons du temps, et non pas de le. Notez que dans les phrases 7 et 9, nous avons des amis, des relations, et non pas de les. Du remplace toujours de plus l'article le. Et des remplace toujours de plus l'article les. Notez que nous avons deux L apostrophe devant un nom singulier commençant par une voyelle. De l'argent. Notez la liaison avec des devant une voyelle. Des amis.